J'ai passé un samedi soir de malade. Comme vous le savez, c'était la fête des Sarrasins. Des Saint-Amoureux. Non, des amoureux. Des Sarrasins. La Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin entre nous dit pratiquement Saint-Helmut. Et comme des Valentines, ah, j'en ai plus que Zouzou là de Morpion. Et croyez-moi, ça fait un paquet. Je n'ai voulu privilégier personne. J'ai donc décidé d'aller côté fleurette à de la viande fraîche. Je suis donc arrivé samedi soir à une réception des filles célibataires. Une réception plus connue sous l'appellation le bal des oubliés de la touffe. Je passe par le vestiaire. Et voilà, t'y pas que le boudin de service me donne un ticket. Et tu veux que je mette tout le ticket? Tu vois pas que je suis à poil, morue? Du coup, il me fait comprendre que je ne dois pas être nu. J'ouvre ton père, je remets mon slip et je file vers la salle principale. Oh, doux Jésus! J'avais l'impression d'être une foire charcutière. Tu m'étonnes que c'était célibataire, les radasses. Même Émile Louis n'y aurait pas touché. Je me dis, Helmut, il ne te reste qu'une solution pour les rendre plus appétissantes. Le schnapps est en grande quantité. 3 heures plus tard, j'étais fin prêt. Oh, elles étaient toutes devenues canons à mes yeux imbibés. Et d'un seul coup, mon regard s'arrête brusquement sur une chose sans grande forme, mais dont le sourire fait craquer ma colonne vertébrale. Je me dirige donc vers celle dont les trois dents brillaient comme un bidet andalou. Et comme par miracle, au moment même où j'allais ouvrir la bouche, sans savoir quoi lui dire... Oh putain, la chance, c'est les snow! Par la sainte prostate du pape, Dieu est à mes côtés. Un petit snow, Lotari? Elle me répond pas. Elle me regarde fébrilement, ses souliers en plastique, puis relève la tête et me fixe. Je lui dis « Alors ?» Elle m'a souri, elle a roté. J'ai pris ça pour un oui. Oh. Tu sais que c'est la première fois que je danse avec quelqu'un qui a été mal avorté par sa mère? Tu me fais penser à un pot de rillettes à qui on aurait mis une robe. Oh, toi. Ça te dirait de faire l'amour avec Panzer Helmut? Je suis monté sur 2 grosses chenilles et j'ai le canon blindé. Ah, mais je sais pas, dis quelque chose. Nom de Dieu, c'est E.T. sous cortisone. Et puis je me suis lâchement éclipsé. Je suis donc retourné boire pour oublier quand... Oh, là, devant mes yeux, est apparu ce que Dieu avait sûrement réussi de plus beau en matière de femelle. Un truc de concours avec une crinière noire sur la tête, des seins comme des missiles Tomahawk, etc., etc. J'ai discrètement été voir le DJ pour lui remettre mon arme fatale, et j'ai fait mon approche. Je me suis approché d'elle et discrètement... Tango, grognasse? Comment ça, non? Allez, te fais pas prier, fais pas ta frigide Esmeralda. Viens gâcher avec le fauve. Mais arrête de résister, crème d'oignon. Oh, mais c'est joli, ce petit pendentif. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? J'attends Cupidon. Eh ben, tu peux dire que tu as de la chance. Moi, c'est pas Cupidon, c'est don du cul, mais c'est presque pareil. Bon ben, dis-moi quelque chose. Coucou, Helmut, comment ça va? Ah, Zouzou, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce salaud de Zouzou aussi voulait profiter de la Saint-Valentin. Ah, au fond, je pouvais pas lui en vouloir. Ah, en tout cas, bien maquillé, Cradel, il est bon, le Zouzou, je te le dis. Ah, bon, je vous laisse. J'ai un casting dans 1 heure, faut que je me prépare. Je vous raconte tout ça demain, bien sûr. Au revoir, Zen.